Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Et si le gore nous apprenait plus sur nous-mêmes qu'un traité de sagesse? Et si dans le gore, ce qui était insoutenable, c'était de voir ce qui fait partie de nous mais que nous prenons bien soin de cacher? Le gore, c'est le hors-champ du selfie. Et l'un de ses personnages principaux est le zombie. Adi mama zombie, parle-moi. Adi mama zombie, parle-moi. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un zombie? Eh bien le zombie est un être mystérieux. Ce n'est pas un mort, ce n'est pas un fantôme. C'est un être qui peut à volonté grandir ou se faire tout petit. Il peut avoir la forme d'une antillaise souriante et belle, mais surtout si un zombie vous apparaît la nuit, ne lui parlez pas à votre première parole, l'apparition deviendrait un géant effrayant. Un chien peut être un zombie et se transformer en bœuf, en mammouth et même vous avaler. Oh là! Bonjour Barbara Lemaître. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Dans la culture haïtienne, zombie désigne une personne victime d'un sortilège vaudou qui va permettre de ramener les morts à la vie. Mm-hmm. Quelle est la définition que vous proposez du zombie? Nous-mêmes. Ah, nous, vous et moi, tout le monde. Voilà, je pense qu'on est déjà zombies. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais voilà. Bah, vous allez nous dire au cours de l'heure qui suit. Oui. Vous êtes l'auteur, en tout cas, d'un livre qui s'appelle Zombie, une fable anthropologique. On comprend désormais le terme d'anthropologique. Vous enseignez le cinéma, enfin les études cinématographiques à l'Université Paris-Nanterre. Mm-hmm. Et comment êtes-vous à écrire ce livre sur les zombies? Alors, comment j'en suis venue à écrire ce livre? Bon, les détails biographiques, on s'en fiche un petit peu, c'est pas la question. C'est quand même, je pense, une affaire d'enfance ou plutôt d'adolescence, puisque j'ai vu le deuxième Romero, donc Dawn of the Dead. J'avais, je sais pas, 13, 14, 15 ans. J'ai été, je pense, très frappée, mais j'en ai pris conscience des dizaines d'années après. Un jour où je me suis dit, tiens, j'ai envie de monter un nouveau cours, et je vais le faire sur le zombie. Et vraiment, c'est venu comme ça, très, très spontanément. Et je l'ai fait pendant 15 jours. J'ai vu quantité de films. J'ai commencé à réfléchir à une structure qui n'était pas celle du livre. Hein. Ça a d'abord été un cours, comme la plupart du temps pour les enseignants-chercheurs. Mm-hmm. Voilà, c'est né un peu de ça. J'ai compris plus tard, mais bon, c'est un bricolage parmi d'autres qu'on peut se faire, que c'est quand même un motif qui nous adresse la question du cadavre. Voilà, qui nous confronte à ça, au cadavre que nous serons un jour, et que peut-être nous sommes déjà à l'intérieur, secrètement, qui grandit en nous, on pourrait dire. Voilà. C'est un livre très riche, avec beaucoup de références cinématographiques, mais aussi historiques et philosophiques, qu'on va explorer ensemble. Je vous propose qu'on commence avec une question qui est formulée par Canguilhem. Mm-hmm. Canguilhem qui se demande si finalement, ce qui nous fascine tant dans cette figure ne serait pas celle du monstre. Écoutez-le, puis vous nous direz si le zombie est un monstre. L'existence des monstres met en question la vie quant au pouvoir qu'elle a de nous enseigner l'ordre. Cette mise en question est immédiate, si longue qu'ait été notre confiance antérieure, si solide qu'ait été notre habitude de voir les églantines fleurir sur l'églantier, les têtards se changer en grenouilles, les juments allaiter les poulains, et d'une façon générale, de voir le même engendrer le même. Il suffit d'une déception de cette confiance, d'un écart morphologique, d'une apparence d'équivocité spécifique, pour qu'une crainte radicale s'empare de nous. Soit pour la crainte, dira-t-on, mais pourquoi radicale? Parce que nous sommes des vivants, effet réel des lois de la vie, cause éventuelle de vie à notre tour. Un échec de la vie nous concerne deux fois, car un échec aurait pu nous atteindre et un échec pourrait venir par nous. C'est seulement parce que, hommes, nous sommes des vivants, qu'un raté morphologique est à nos yeux vivants un monstre. Georges Canguilhem est un philosophe français qui écrit ce texte dans La connaissance de la vie en 1965. Georges Canguilhem s'intéresse beaucoup aux normes qui caractérisent le vivant, aux différences entre ce qu'on appelle normal et ce qu'on appelle pathologique. Mmh. Et ici, il pointe donc l'existence des monstres et la façon qu'elle a de mettre en question la vie telle que nous la vivons. Est-ce que les zombies ont cette même fonction que les monstres pour vous, Barbara Lemaître? Écoutez, moi j'ai l'impression qu'ils nous ressemblent beaucoup. Alors, est-ce que nous sommes nous-mêmes des monstres? Est-ce que le monstre est en nous? Ça serait la question. Je suis très touchée que vous ayez choisi d'abord cet extrait de Canguilhem parce qu'il a été très important pour moi, dans le cadre de ce bouquin, mais avant aussi. C'est vraiment un philosophe que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est une philosophie du vivant. Voilà, pour cette insistance à parler du vivant. Et c'est vrai qu'il fait d'ailleurs du monstre l'apanage en fait du vivant. Je crois qu'il écrit peut-être dans ce texte-là ou dans un autre, il n'y a de monstre que de vivant. Le rocher, la montagne ne peuvent pas être dits monstrueux, etc. Alors après, cette question du vivant, bien sûr, on dit communément que le zombie est un mort et vivant, donc une impossibilité, hein, une espèce de scandale en fait. Je sais plus si j'ai dit anthropologique, ontologique, quelque chose comme ça. Mais j'ai été très sensible à cette question dans le motif de l'articulation au plan de la figuration entre le mort et le vivant. Mmh. Et c'est pour ça notamment, mais je sais que vous voulez en parler tout à l'heure, donc on va pas insister forcément là-dessus tout de suite, que j'ai choisi par exemple de réfléchir à partir des motifs de Vézal, du traité d'anatomie et des planches anatomiques de Vézal, parce que je trouve que ce qu'il y a de très touchant, déchirant même presque, c'est que le motif, ces écorchés, sont à la fois mort et vivant. Alors, dites-nous, présentez-nous qui est Vézal, puisqu'il tient une place importante dans votre livre. Alors, Vézal est un anatomiste de la Renaissance, et un des auteurs avec, je crois, Van Kalkar qui faisait les planches, les gravures de ce grand traité d'anatomie qu'est la Fabrica, De Humani Corporis Fabrica, je crois, de mémoire. Alors, qui ne comprend pas seulement des planches d'écorchés, hein, qui comprend un texte en latin, mais qui ne me sert pas à moi parce que, voilà, je ne suis pas anatomiste, mais j'ai beaucoup travaillé sur ces planches gravées. Et par rapport à d'autres traités d'anatomie, voilà, dans les autres traités d'anatomie, le corps humain a l'air tantôt d'un pantin, d'une marionnette, ou bien il est trop vivant et il n'y a pas de mort là-dedans. Et justement, chez Vézal, on a un peu des deux, avec en plus un côté stylisé, très beau, enfin, voilà. Et donc vous êtes inspirée de ce travail de Vézal pour votre réflexion sur les zombies? J'ai cherché en fait, j'en suis passée, en fait oui, je me suis inspirée de ça, mais si vous prenez par exemple... c'est le début, attendez, il faut que je retrouve le titre du film. C'est dans Return of the Living Dead de Dan O'Bannon, mais vous trouverez ça dans plein d'autres films. Vous avez des personnages qui feuillettent des traités d'écorchés. Vous avez aussi beaucoup de planches d'écorchés qui tapissent en fait les ce murs. Ce que vous appelez écorchés, en fait, ce sont comme des corps ouverts. Oui, pour c'est voir le corps ouvert, c'est le corps anatomisé, ouvert sur son dedans, c'est-à-dire qui est impudique, qui nous montre ce qu'on ne doit pas voir normalement, voilà, et qui nous le montre avec des détails, strate par strate, hein, parce que vous savez que les écorchés, ils sont épluchés. Il y a différents stades, en fait, différentes manières de les éplucher pour montrer les muscles, pour montrer le système veineux, etc. Enfin, mais pourtant, voilà. Les zombies, tels qu'on les imagine au cinéma, alors voilà, est-ce que je ne sais pas si le cinéma a l'apanage des zombies, mais ils ne ressemblent pas à des écorchés. Ils ont un corps vraiment écrasé, abîmé, et pas du tout impeccable comme ceux dessinés par Vézal. Vous avez raison, la plupart ressemblent plutôt, ils portent sur eux le cadavre. Donc ils sont de couleur, quand c'est des films en couleur, un peu... Enfin, là, je vous parle des écorchés post-Romero, parce qu'avant, il y a des zombies post-Romero. Avant, il y a ceux du vaudou qui sont vraiment très différents figurativement. Mais ceux qu'on connaît le mieux, donc ceux qui sont venus avec Romero, effectivement, ont des allures de cadavres, mais toujours un tout petit peu ouverts parce qu'en voie de décomposition. Mais parfois, ça va jusqu'à l'écorché, par exemple. C'est une image que j'avais mise dans le livre, dans Day of the Dead, hein, cet écorché sur une table, en plus, qui se relève et qui, vomit littéralement ses organes comme ça dans l'espace filmique. C'est ça aussi. Hein, le zombie, celui-ci manifeste en fait plus explicitement son rapport à l'écorché. Sinon, c'est un peu caché. Mais il y a toujours un petit bout du corps où on voit en dessous et ça suggère comme ça, le dedans. Alors, on va prendre un premier extrait de Romero, justement, puisque vous en parlez beaucoup. Donc, Dawn of the Dead, c'est en 78, c'est le deuxième film de sa saga zombie, donc sorti après La Nuit des Morts Vivants. Et on va écouter l'extrait, puis vous nous direz ensuite en quel sens il vous a été utile pour identifier ou comparer le zombie avec ces écorchés dont vous nous parliez. Christ! Hey, you okay down there? Ils les avaient tous parqués ici. Pas besoin d'aide. Non, tout est terminé. Ce n'est pas trop tôt. Oh, quelle sale corvée. Pourquoi ils les conservent si précieusement? Ils honorent les morts avec tout le respect qui leur est dû. Une question que je voudrais poser depuis le début de la semaine, Barbara Lemaître, oui. Ça tombe sur vous. Est-ce que le gore survit à la version française? C'est toute une question. Si on considère le gore comme quelque chose d'un peu outrancier, hein, qui est presque maniéré, oui, il va survivre très très bien, voire même ça peut en remettre une couche. Mais en l'occurrence, celle-ci, elle est vraiment mauvaise. Celle de, enfin bon, voilà. Je m'excuse quand je le montre aux étudiants et que j'oublie en fait de ouais. Montrer la version anglaise. Je m'en excuse. Parce que bon, là, au moins on comprend la scène. On voit qu'il y a la police qui arrive au sous-sol pour faire le ménage. Il y a les zombies qui sont entassés les uns sur les autres et qui en fait dévorent les restes de membres humains. Voilà, c'est bien. On fait le ménage souvent, en fait, chez les zombies, malheureusement. Alors, j'ai cru voir ça, mais après, là, c'est de l'ordre de l'interprétation. Une espèce de redistribution dans l'espace du plan de la plupart des motifs, en fait, qui scandent la fabrica. Et légèrement dans le désordre, donc vous retrouvez par exemple le squelette, l'écorché musculaire avec les muscles qui pendent, on dirait une banane un peu épluchée, enfin pour le dire très très vite. Voilà, il y a presque tous les motifs de la fabrica, le crâne dans un coin qui sont comme ça dans l'espace du plan, mais qui ne sont plus tenus évidemment par la logique du traité d'anatomie et par la raison en fait de l'anatomie. Donc là, en fait, il y a une sorte, on voit le lien avec l'écorché, on voit l'affranchissement aussi produit par le film de fiction par rapport au traité d'anatomie. Voilà. Mais vous pensez que cette influence, elle est revendiquée ou c'est un hasard? Alors, ça, c'est vraiment la question qu'on pose tout le temps. Elle n'est pas revendiquée à ma connaissance. C'est pas forcément... Romero avait-il lu Vézal, en fait? Je ne pense pas. Mais c'est pas parce que c'est pas revendiqué que c'est un hasard non plus. Je pense, alors, pour le coup, que ça fait partie du fonctionnement des images et de la logique des images. Là, je vous apprends rien. Elles ont une mémoire consciente, inconsciente, voilà. Et elles vont pouvoir charrier, en fait, un certain nombre de choses qui sont, au fond, notre culture, voilà, sans que ça soit forcément expressément prévu par le cinéaste. D'ailleurs, vous savez bien qu'un film, c'est un auteur à je ne sais pas combien de têtes, donc qui aurait la responsabilité au fond du discours? Le cinéaste, le scénariste, celui qui fait la musique, bon, etc. Donc, non, je ne pense pas que ça soit prévu. En même temps, cette insistance sur les planches qu'on trouve partout dans les espaces filmiques, ça fait question quand même. Voilà. Et justement, alors, je repensais dans Dawn of the Dead à cette séquence, c'est une séquence que j'aime beaucoup, vous avez Bob, vous vous rappelez de Bob? Dites-nous. Non, c'est le petit animal, enfin c'est celui que le docteur est en train d'essayer d'apprivoiser, de domestiquer. En fait, il veut le ramener en fait vers un état d'humanité un peu plus acceptable que celui dans lequel il est. Et donc Bob, qui est quand même assez sauvage, donc est attaché avec une chaîne dans le laboratoire du docteur, le docteur Frankenstein, je crois qu'il s'appelle. Non, bon, oui. J'ai oublié son nom, c'est ça. Et il entreprend, donc on essaie de lui apprendre en fait les rudiments de l'humanité. On lui donne un livre et on lui donne un rasoir. Bien sûr, se raser, première étape de l'humanité. Et il commence à se raser, évidemment, comme il ne sait plus, il s'écorche. Et donc il est face à un miroir sans teint. En se rasant, il s'écorche. Et juste à côté, il y a une planche, voilà, de traité d'anatomie, un écorché. Bon, voilà. C'est des petites choses comme ça. Ça attire l'œil. Est-ce que c'est vraiment une intention du cinéma? Je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est là. Et si c'est là, ça fait sens. Enfin... En tout cas, la question se pose de l'intention qu'il y a derrière un réalisateur, quel qu'il soit, de mettre en scène des zombies. Hier, Philippe Rouillet, en parlant de la naissance du cinéma gore, nous disait que la première raison était d'abord commerciale. Comment faire venir les gens au cinéma en montrant des choses qu'on n'avait jamais montrées? Comment ça se passe pour le zombie? À partir de quand est-ce que le zombie apparaît sur les écrans? Est-ce pour une raison commerciale ou pour explorer comment le corps humain peut se modifier à l'écran? Alors, d'abord, il faudrait pas dire le zombie, il faudrait peut-être le mettre au pluriel. Parce que il y a eu, donc dès les années 30, hein, avec Victor Halperin, et puis d'autres, mais celui Victor Halperin est très connu, White Zombie, des films de zombies, mais où le zombie est encore très lié à la culture vaudou, hein, à Haïti, à l'histoire aussi du zombie, mais en culture vaudou. Et donc il apparaît sous forme d'esclaves, souvent dans des plantations, enfin voilà, travaillant hein, pour des maîtres, esclavagisés, etc. Il est lié bon, à la sorcellerie vaudou, qui peut d'ailleurs être mise en scène de façon plus ou moins ironique, hein, ça on peut parfois être tenté de sourire ou pas du tout. Ça peut être fait aussi, je pense à Turner avec I Walked with a Zombie, qui met en scène à un moment donné un rituel vaudou, mais de façon très élégante, on n'a pas forcément envie de s'esclaffer en fait, parce que c'est très beau. Voilà, donc il y a d'abord eu ces zombies là, puis la version, enfin là je fais de l'histoire, enfin c'est pas l'histoire, hein, je résume à grands traits, puis la version Romero, donc plus agressive, et vraiment ce qui fait rupture à mon avis entre les deux, c'est que, enfin entre autres choses, parce qu'il y a plein de choses qui changent, mais c'est qu'il est en prise avec le cadavre, comme peut-être le zombie vaudou ne l'était pas. Voilà. Parce que l'origine du zombie est vaudou. Oui, ben oui, Alfred Metro, racontez-nous. Le vaudou en Haïti. Ben Alfred Metro est anthropologue, il a écrit un livre sur le vaudou en Haïti, très très beau livre, où il raconte, mais alors, ce qui m'avait frappé, bon je vous dis tout ça de mémoire, ça fait longtemps que je l'ai pas relu, c'est que, au fond, dans son livre, le zombie, c'est pas l'essentiel en fait de la culture vaudou. Voilà. Je pense qu'il a gagné en fait au cinéma en présence là où dans la culture vaudou c'était pas non plus. Enfin, il y a plein d'autres choses qui sont peut-être plus importantes ou aussi importantes que le zombie. Comme si le cinéma l'avait propulsé un peu en avant. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que le zombie n'est pas simplement cet être un peu décharné, sanguinolent qu'on connaît. C'est aussi un état en l'emploi d'ailleurs de manière métaphorique. On dirait un zombie, quelqu'un qui marche un peu la tête baissée et les yeux plissés comme ça dans un état second. Oui. Ça veut dire que ça se réfère à cet état qui est pas tout à fait normal, pour reprendre un peu là ce que c'est un peu somnambule. L'idée c'est qu'on inflige en fait des drogues et qu'on met, oui c'est des états seconds, mais c'est des états un peu somnambuliques, ouais. Mais que j'ai rapporté je crois dans le livre aussi un peu à l'hypnose, enfin voilà, c'est états... ça. Justement vous parlez de White Zombie, donc le film de Victor Halperin en 1932, on va entendre un extrait où là en effet on voit une jeune fille qui est tout juste mariée à son fiancé, qui alors qu'elle regarde dans une coupe de champagne voit un visage apparaître. C'est en fait le visage d'un sorcier, quelqu'un qui s'empare de son âme, d'un hypnotiseur, et alors que lui-même est à distance, il la manipule en mettant un de ses habits, je crois, dans le feu, elle est complètement sous possession de cette personne-là. Et là, peut-on parler de zombie ou non? Écoutez l'extrait, vous nous direz. What do you see in the glass? I see happiness. I see love. Far more than you deserve. Is that all? No, I see. What is it? I see death. Madeline, what's wrong? Madeline, my dear, please. Oh, no. Madeline! Madeline! Can't we do something? Please! Madeline! Pendant que le sujet est plongé dans l'état cataleptique, les yeux restent ouverts et la face ne demeure pas indifférente, quelles que soient les attitudes que l'on imprime au corps tout entier. Lorsque ces attitudes sont expressives, le visage se met en harmonie avec elles et concourt à la même expression. Ainsi, une attitude tragique imprime un air dur à la physionomie, le sourcil se contracte. Au contraire, si l'on approche les deux mains ouvertes de la bouche, comme dans l'acte d'envoyer un baiser, le sourire apparaît immédiatement aux lèvres. Mais il est difficile d'imprimer à un mannequin, si docile soit-il, des mouvements parfaitement expressifs. Aussi, nous avons eu l'idée de procéder de façon inverse. Et au lieu d'agir sur le geste pour modifier la physionomie, nous avons mis sur le geste. Et au fur et à mesure que le mouvement des traits s'accentuait, on voyait en quelque sorte tout le corps entrer en action et compléter par le geste l'expression du visage. Le sujet se trouve ainsi transformé en une sorte de statue expressive. Modèle immobile représentant avec une vérité saisissante les expressions les plus variées et dont les artistes pourraient assurément tirer le plus grand parti. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. La philosophie du gore qui nous accompagne cette semaine s'arrête aujourd'hui du côté des zombies. Vous venez d'entendre un extrait de Wild Zombie, le film de Victor Halperin qui date de 1932. Et puis j'ai lu un texte de Charcot. Alors quel lien entre ce film et Charcot? Eh bien c'est Barbara Lemaître qui est l'auteur de Zombie, une fable anthropologique, un livre paru aux presses universitaires de Paris-Ouest qui va nous expliquer pourquoi. En effet, alors, vous montrez bien le lien entre les deux. Oui. Alors c'est vrai que dans White Zombie, donc elle est la jeune Madeleine, est hypnotisée par Bela Lugosi. Et si vous vous souvenez bien, mais je ne vais pas faire trop de digressions, quand elle est hypnotisée, en fait, il utilise une espèce de sortilège vaudou qui consiste en fait à brûler une bougie. Donc il a une petite statuette qu'il a confectionnée à l'effigie ou à l'image de Madeleine avec le voile de la mariée. C'est très beau, il y a un blanc laiteux comme ça, tu vois. Et il est en train de la brûler, voilà. Et c'est comme ça qu'il hypnotise Madeleine. Alors Madeleine, étant hypnotisée, devient ce qu'on peut appeler, sans forcément d'ailleurs reprendre tout Charcot, un automate psychique. Et ça m'a beaucoup intéressée, cette idée d'automate psychique, parce que j'avais constaté avant, alors à partir d'autres films, mais on peut aussi en parler à propos de White Zombie, que le zombie était rapportable à l'automate tout court. C'est-à-dire l'automate mécanique. Et donc je me suis dit, ah, on a quand même un motif formidable, parce qu'il arrive à assembler les deux faces, en fait, de l'automate, sa face psychique et sa face mécanique. Et ça, c'était vraiment aussi une connexion, enfin, je ne l'avais pas vue ailleurs, disons, dans l'histoire du cinéma, mais on pourrait aller la rechercher maintenant. Mais voilà, cette façon qu'avait le motif d'assembler ces deux choses historiquement distinctes et philosophiquement distinctes, que sont l'automate psychique et l'automate mécanique, ça m'a intéressée, voilà. Et donc pourquoi Charcot ? Pourquoi Charcot ? Bah parce que il est un de ceux dont on peut dire qu'il théorise l'automate psychique. Il en montre dans l'extrait que vous venez de lire. Il en montre presque la fabrication. C'est lui qui fabrique en fait sa petite marionnette. Je ne sais plus comment je l'ai formulé dans le livre, mais ça doit être à peu près comme ça. Voilà. C'était un extrait des notes sur les. Il appelle ce texte « Note sur quelques faits d'automatisme cérébral observés pendant la période cataleptique de l'hypnotisme chez les hystériques voilà. ». Mais alors là, c'est intéressant parce que si vous appliquez ça aux zombies, ça veut dire que le zombie serait lui-même sous l'effet d'une forme de sort. C'est-à-dire que le zombie ne serait pas ni une maladie, ni un état entre la vie et la mort, mais serait un ensorcellement causé par quelqu'un d'autre. C'est intéressant, effectivement, ce que vous dites, parce que c'est très explicite, évidemment, pour tous les zombies inscrits en cadre vaudou, ça l'est pas. Pour les pas autres tout, zombies, même, ouais. Comme si au fond, mais alors ça serait vraiment, si ça l'est un petit peu, pardon, si vous reprenez, alors ce film de Romero, c'est Land of the Dead, le territoire des morts vivants. Ils s'appellent tous pareil, c'est très difficile c'est de les très distinguer. Difficile, c'est un peu comme les films d'Ozu, mais enfin pas tout à fait pareil quand même. mais si vous prenez donc Land of the Dead, vous avez, est-ce que vous vous souvenez de ce film, à un moment donné, les zombies sont hypnotisés, mais par un feu d'artifice. Et on pourrait dire que le feu d'artifice à ce moment-là est substitué parce qu'il est un moment d'hypnose aux sorciers qui apparaissaient, genre Bela Lugosi dans White Zombie, etc. Donc ça nous dit toujours, encore d'une certaine façon, qu'il y a quelque chose comme une force qui gouverne en fait le zombie, mais elle est plus rapportée à un grand sorcier ou à un, voilà. Là, c'est en l'occurrence un feu d'artifice. En même temps, ce feu d'artifice, il est tiré par quelqu'un. Il n'arrive pas tout seul. Donc voilà. Alors, donc il y a quelqu'un qui tire les ficelles, en fait, c'est ça. Voilà, alors que pas toujours. Il y a beaucoup de films de zombies ou même de séries aujourd'hui. Je pense à Walking Dead notamment, où c'est plutôt une histoire d'épidémie. Il n'y a pas quelqu'un derrière qui tient les ficelles, comme ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Enfin, après, les épidémies, comme vous savez, elles peuvent être programmées, mais c'est vrai que dans... j'imagine, mais enfin, ça dépend. Non, mais par exemple, c'est vrai que dans 28 jours plus tard, un autre film, un film que j'aime vraiment beaucoup, on ne parle pas d'ailleurs de zombies, on parle de contaminés. Donc la question virale, épidémique, elle est... Mais il y a eu tellement de fables aussi bricolées pour donner une... En fait, c'est ça, vous parlez de ça, j'ai mis deux secondes de trop à m'en rendre compte, mais quelle est la fable, en fait, que l'on bricole pour donner une origine à cette créature. Dans quoi l'originer, voilà. Et les origines sont multiples, mais ça, mais alors, c'est mais la question. Mais oui, mais justement. Oui, et ben il peut y avoir justement le vaudou, le sorcier, les morts qu'on n'a pas enterrés, et comme ils n'ont pas été enterrés proprement, voilà, ils ressurgissent. Et... Il y a aussi bien sûr les épidémies, les grandes logiques d'épidémies. Il y a même, je crois que ça c'est dans le premier Romero, des radiations, quelques radiations que ce soit, voilà, qui auraient produit des mutations des corps ou. Il y en a encore plein d'autres, je pense, mais je ne les ai pas toutes. Alors, avant de donner la parole à un zombie, ça va arriver dans un instant, je voudrais qu'on fasse un petit détour par Walking Dead, puisque j'en parlais, donc la série Walking Dead, c'est ici la saison 2 de l'épisode 6. Alors, Walking Dead, c'est une espèce de scène apocalyptique où des êtres humains essaient de survivre dans un monde où pour le coup, c'est une sorte d'infection ou d'épidémie. Dès qu'un zombie mord un être humain, celui-ci est infecté et devient zombie à son tour. Il se réfugie, ce groupe de personnes, chez quelqu'un qui est un médecin qui s'appelle Herschel. Et ils vont se rendre compte que ce Herschel, ce médecin, garde dans sa grange sa femme et son enfant, qui sont pourtant des zombies, mais dit-il, ce sont des êtres vivants. Écoutez-le, parce qu'il me semble que c'est très utile pour la réflexion que vous proposez, Barbara Lemaître. I love your fields. Took a long walk this morning. Je suis allé jusqu'à la grange. J'ai entendu les grognements. C'est bien dommage. Oh, je suis sûr que vous avez de très bonnes raisons de garder tout ça secret. J'ai vu beaucoup de choses à la télé avant qu'elles soient coupées. J'ai vu la peur irrationnelle des gens, les atrocités qu'ils ont commises. Comme ce que vous avez fait dans mon puits. Nous avons abattu un rôdeur. Vous avez tué un être humain. Si vous avez regardé les mêmes choses que moi à la télé, vous avez vu les rôdeurs s'attaquer aux personnes. Les tuer. Ils sont dangereux. Comme le sont les paranoïaques et les schizophrènes. On ne tue pas les gens malades, on les soigne. Sauf votre respect, Herschel, vous êtes coupé du monde extérieur ici. J'ai vu des personnes auxquelles je tenais énormément mourir et revenir à la vie. Et en aucun cas, ce n'était des êtres humains. Ma femme et mon beau-fils sont dans cette grange. Ce sont des êtres humains. Sa femme et son beau-fils, et non pas son enfant. Vous aviez vu cette série, Barbara Lemaître ? Alors non, j'avais, je crois que je l'ai vue en livre. Oui, pas, c'était une bande dessinée. D'abord en bande dessinée, ouais. Pour une raison un peu idiote, mais après je vais revenir sur ce qu'il disait, enfin un peu idiote. Je m'étais posé la question, est-ce que, parce que c'est une bande dessinée, est-ce que le trait accuse en fait le lien avec les gravures des traités d'anatomie ? Voilà, et j'ai pas trouvé en fait de réponse à cette question, pas encore. Mais c'est très fort ce qu'il dit, on ne tue pas les gens malades, on les soigne. Parce que tout à coup, alors ça dote vraiment là le zombie d'une humanité extraordinaire. Enfin, c'est. Mais il lui dit, c'est ma femme et mon beau-fils, qu'ils soient zombies ou pas, ils sont vivants. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Après, il se trouve quand même que chez Romero, si vous repensez au tout début de Night of the Living Dead, il a quand même à l'endroit de la famille, de la structure familiale et de la généalogie, disons des positions. Pas incompatible avec ça, mais moins heureuse. Mais quand même, oui, la question que ça pose, c'est quel est le statut du zombie ? Est-il vivant ou est-il mort ? Il est ni l'un ni l'autre, entre les deux. Et quelqu'un qui devient. C'est ça l'invention de cette créature. Mais si quelqu'un que l'on connaît, que l'on aime, devient zombie, est-ce que ça reste cette personne-là ou est-ce qu'il perd son identité ? Est-ce que le zombie peut être quelqu'un ou c'est juste un zombie ? Ça dépend où vous mettez le siège de l'humanité ou de l'homme ou du quelqu'un. Si vous le mettez dans l'apparence, ça soulève encore toutes ces questions, en fait, de l'âme, du corps, que le motif tresse aussi à sa façon. Qu'est-ce que vous appelez quelqu'un ? Qu'est-ce que vous appelez mon fils, mon enfant, etc. Donc vous dire que chaque. Personne qui représente les zombies à l'écran apporte une réponse différente ? Pas chaque personne, mais je pense que chaque traitement du motif par tel ou tel film, tel ou tel cinéaste, tel ou tel jeu, tel ou tel peut répondre différemment à la question. Mais c'est certain que l'idée du corps malade est une idée qui est parfois figurée presque explicitement. On le voit très bien dans Dead Heat, Flic ou Zombie, qui est un film dans lequel on le voit très bien parce que on a un flic zombie qui est zombie, mais qui alors il réussit à le retaper entre guillemets régulièrement toutes les 20 minutes du film, on le fait passer. Il a un petit traitement et hop, il redevient tout neuf. Puis ensuite, il recommence à se nécroser ainsi de suite. Et donc là, on voit en fait la progression de la zombification, si j'ose dire, pas tout à fait en live and direct. Mais voilà, ça fait son chemin. On voit le cadavre monter, en fait, dans la créature. Voilà, et la pourriture arriver, etc. Et là, il y a vraiment l'idée, justement, du corps malade. Mais c'est, là, en l'occurrence, la maladie, c'est une sorte de mort en accéléré. Voilà, c'est ça, vous dites malade. Donc, quand Guilhem parlait du monstrueux, mort ou vivant, là, vous dites malade, c'est encore une quatrième façon d'aborder le zombie. Oui. Le fantasme, c'est quand même de poser la question directement aux zombies. Et évidemment, on peut toujours compter sur un réalisateur, et là, c'est Dan O'Bannon, pour mettre en scène cette question-là. Alors, imaginez, donc, c'est The Return of the Living Dead, le retour des morts vivants. Donc, il faut imaginer une espèce de rencontre avec une femme zombie, mais c'est même une demi-zombie. On ne voit que la partie supérieure de son corps avec la colonne vertébrale qui pend un peu comme la queue d'un chien qui remue de cette façon-là. Et là, ils vont lui poser directement la question. Alors, écoutez sa réponse, c'est assez surprenant et c'est même assez touchant. Look at it. Feels very better. Je ne vois vraiment pas ce que tu comptes en faire. Non, mais qu'est-ce que tu veux faire de ça? Je veux l'examiner. Vérifie qu'elle est bien attachée. Oui, elle est bien attachée. Je tiens pas à ce qu'elle me saute au cou, tapinette. Non, elle ne se détachera pas. Ils ne sont pas plus forts que les humains. Vous entendez? Oui. Pourquoi dévorez-vous les vivants? Seulement leur cerveau. Pourquoi? Le mal. Quoi? Quel mal? Le mal d'être mort. On souffre d'être mort, c'est ça? Oui, car on se sent pourri. Et le cerveau? À quoi ça peut servir? Le manger apaise la douleur. Quel extrait, Barbara Lemaître, le cadavre zombie qui lui-même dit « Mais en fait, ça fait mal d'être mort, et manger un cerveau apaise la douleur. » C'est ça. Mais je me souviens que dans la version originale, elle dit « the pain », c'est ça, c'est la douleur, en fait, qui est au centre de tout ça. Alors... Ça veut dire qu'elle ressent encore de la douleur, contrairement à ce qu'on croit, puisqu'elle est complètement démembrée. La douleur d'être morte. Et alors là, donc ça pose une vraie question. La philosophe que vous êtes, bonne chance avec cette question-là. Non, mais ça veut dire que c'est pas une question qui concerne le corps, en tout cas, non, ça c'est sûr. Non. Donc, c'est-à-dire que le zombie peut aussi encore être doté d'un esprit ou d'une faculté de raisonner. Ce zombie-là est quand même particulier. C'est pareil, on dit le zombie, mais ils sont pleins et ils sont différents en fonction des films. Là, elle est quand même dotée... Là, c'est une zombie en plus. Oui, une zombie, une femme, dotée d'une capacité de réflexion. Pas tout à fait d'une identité, mais presque. Enfin, on voit ses traits un peu distinctement. Alors que dans d'autres films, c'est plutôt... Le zombie existe, disons, multiples, tous les mêmes. Un peu interchangeables, comme horde en fait, ou comme masse. Ils ne sont pas toujours individualisés et typés comme elle peut l'être. Et pas toujours dotés de paroles non plus, comme vous savez. Le bub dont je vous parlais tout à l'heure, à qui on réapprend à se raser et un certain nombre d'autres choses, on essaie aussi de lui réapprendre à parler. Donc elle est quand même un cas un peu particulier. Et de fait, le film d'O'Bannon est aussi un film un tout petit peu singulier. Pourquoi ? Parce que... À l'intérieur de ce film, donc il y a elle, comme ce zombie particulier, spécifique, mais on a aussi les zombies sous forme de hordes, indistinctes, indifférenciées, etc. Il y a les deux états en même temps. Est-ce que ça change le fait que ce soit une femme et pas un homme? On voit alors. Les zombies ont-ils un sexe? Bonne question. Ont-ils une race? J'ai une amie qui a écrit un texte sur la question. Ont-ils un sexe? Elle, en tout cas, elle a des seins. Alors, il n'en reste pas grand-chose, mais vous les voyez en fait dans le film. Voilà. Ont-ils un sexe? Alors ici, il y a un film dont j'ai pas parlé dans le livre parce qu'à l'époque, c'est pas et je bon, il y en a plusieurs que j'ai vu d'ailleurs après le livre et je me dis bon, il faudrait rouvrir peut-être un chapitre, mais c'est un film d'un Canadien qui s'appelle Fido, Andrew Curry, je crois, de mémoire. Alors qui imagine toujours un peu en version fable utopique, qui imagine en fait un futur où on a trouvé le moyen de canaliser les pulsions meurtrières des zombies. Ils ont des colliers, voilà. Donc grâce aux colliers, on peut les transformer en petits domestiques. Donc vous avez une banlieue résidentielle où toutes les familles ont leurs petits, toutes les familles bourgeoises ont chacune son petit domestique. Il apporte le rôti, il sert le vin à table, etc. Bien sûr, ce qui doit arriver va arriver. Donc le collier se dérègle et voilà, tout à coup les zombies redeviennent sauvages. Mais il va y avoir, donc dans une de ces familles bourgeoises, le mari va mourir et la dame en fait va tomber amoureuse du zombie. Et à la fin du film, donc, alors on sait pas avec qui, je sais plus très bien, je crois que le film le dit, mais avec qui elle a eu le bébé, mais il y a un bébé dont s'occupe cette gentille famille recomposée qui comprend un zombie et une femme non zombie. Voilà. Et là, on peut se douter que, alors, ont-ils un sexe ou, voilà, mais il va y avoir du sexuel. Il y a quelque chose qui tourne autour du sexuel, voilà, qui est explicité. Par un baiser, je crois, à la fin, il la prend dans ses bras. Bon, voilà. Mais vous disiez en commençant, ma première question, qu'est-ce qu'un zombie? Vous avez dit, c'est nous. Il y a quand même une différence entre vous et moi et les zombies dont nous parlons. Ou est-ce que c'est une question de degré? Oui, il y a une petite différence qui s'appelle fiction. Donc elle est c'est quand ça même, elle est importante. Oui. Donc ça ne veut pas forcément dire que nous sommes tous des zombies potentiels. Pardon. Ils sont une fiction du cadavre et nous serons un cadavre un jour, mais pas en fiction, en vrai. Voilà. Mais ils sont cette fiction du cadavre que nous serons un jour. Voilà. Dans votre livre, on trouve un chapitre vraiment original et intéressant où vous comparez le zombie ou les zombies avec la réflexion que Deleuze et Guattari proposent sur le corps sans organes. Pour développer cette réflexion-là, je vous propose qu'on retrouve Canguilhem qui avait ouvert cette émission. On va le retrouver à la suite du texte qu'on avait entendu tout à l'heure. Et puis la voix d'Antonin Artaud qui va nous expliquer que vraiment les organes sont absolument inutiles. Il faut réserver aux seuls êtres organiques la qualification de monstre. Il n'y a pas de monstre minéral. Il n'y a pas de monstre mécanique. Nous devons comprendre dans la définition du monstre sa nature de vivant. Le monstre, c'est le vivant de valeur négative. C'est la monstruosité et non pas la mort qui est la contre-valeur vitale. La mort, c'est la menace permanente et inconditionnelle de décomposition de l'organisme. C'est la limitation par l'extérieur, la négation du vivant par le non-vivant. Mais la monstruosité, c'est la menace accidentelle et conditionnelle d'inachèvement ou de distorsion dans la formation de la forme. C'est la limitation par l'intérieur, la négation du vivant par le non-viable. L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gratter cet animalcule qui le démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes. Tous ses organes, oui, car liez-moi si vous le voulez, mais il n'y a rien de plus inutile qu'un organe. Lorsque vous lui aurez fait un corps sans organes, alors vous l'aurez délivré de tous ses automatismes et rendu à sa véritable liberté. Alors, vous lui réapprendrez à danser à l'envers, comme dans le délire des bals musettes. Et cet envers sera son véritable endroit. Alors c'est pas un zombie, c'est Antonin Artaud, hein, pour en finir avec Le Jugement de Dieu, une création radiophonique qui date de novembre 1947. Canguilhem dit que seuls les êtres organiques peuvent être appelés monstres. Artaud dit qu'en fait les organes sont inutiles. Mmh. En fait, où en est-on ? C'est-à-dire que le zombie est du côté de celui qui n'a pas d'organes, de celui qui au contraire, dont on ne voit que les organes, Barbara Lemaître. Alors, l'hypothèse que j'avais formulée dans le livre, c'est pas qu'il n'a pas d'organes, c'est qu'il est comparable en fait au concept de corps sans organes parce que il est une sorte de réinvention en fait de la logique organique, mais évidemment absolument irréductible à celle qui nous constitue, puisque nous on sait bien qu'on a besoin des organes et que on peut pas s'exclamer arrêtons avec les organes, ils sont inutiles et faisons autrement. Mais donc nous on peut pas, mais le zombie lui le fait d'une certaine façon, il le proclame. Alors, bon, j'en donne des exemples dans le livre, mais on va pas la rentrer. T'as dit tout ce que c'est que le concept de corps sans organes. Alors, c'est un corps qui tout à coup décrète, en fait, l'inutilité des organes et l'interruption du fonctionnement organique régulier. Et qui dit, réorganisons, repensons, en fait, les logiques organiques. Et voilà, inventons un autre fonctionnement, d'autres agencements des organes. Mais vous savez que, alors, je sais plus où c'est exactement, mais, alors, ça paraît un peu délirant, stricto sensu, hein, cette idée que tout à coup, les organes doivent plus fonctionner ou pas comme ils fonctionnent régulièrement, mais voilà, fonctionnait tout à fait autrement. Mais j'avais lu justement dans un ouvrage de Canguilhem, mais c'est dans une note de bas de page, et je ne sais plus quel ouvrage, il parlait en fait en médecin, d'un utérus qui avait été amené, je crois que c'est un estomac ou l'inverse, bon c'est l'un ou l'autre, mais amené à se comporter comme un utérus. Donc y compris, hein, parole de médecin, c'est pas Artaud hein, qui disait ça, c'était Canguilhem. Bon, donc le corps est quand même un truc assez surprenant, c'est quand même pas, ça fonctionne pas comme un corps sans organes pour nous, mais voilà, le zombie m'avait paru rapportable au concept, mais j'insiste quand même là-dessus dans le livre, il est pas une illustration du concept, il y a un rapport en fait entre le concept de Deleuze et Guattari, et enfin issu d'Artaud, et le motif qui n'est pas simplement vraiment un rapport de reflet, d'illustration, d'application. Voilà. C'est plutôt de l'ordre du jeu. Ils se retravaillent mutuellement. Voilà. Bah pour Deleuze et Guattari, le corps sans organes, c'est un désir. C'est par lui, c'est lui et par lui qu'on désire, disent-ils. Et c'est ce qu'illustre Artaud très bien. Un corps sans organes, c'est un corps enfin libre qui peut aller s'amuser au bal musette. Oui, c'est ça. Comme s'il y avait toute la pesanteur de l'existence qui s'incarnait dans les organes. Or, les zombies, même si on voit souvent leurs organes, mais pas toujours, en fait, ils semblent délestés de ce poids-là. Et en ça, peut-être peuvent-ils être enviables. Je ne sais pas s'ils sont délestés stricto sensu des organes, mais je crois qu'en effet, ils sont forcément délestés de la logique organique régulière. Et c'est celle-là même, en effet, qui nous pèse, nous, au quotidien. Mais voilà, en même temps, on ne peut pas faire sans. Cela, ils se rapprochent des anges. Alors, il y a quand même quelque chose d'éthéré, d'élégant. Ah, il y a beaucoup de différences entre l'ange et les zombies, ça c'est sûr. C'est pas mais ils ont en commun d'être, ils ont en commun de, effectivement, les organes sont passés sous silence. C'est un corps comme ça qui semble délesté, justement. Oui, c'est vrai. Mais ils sont pas tout à fait passés sous silence, quand même, dans les films de zombies. Je vous renvoie à cette image assez affreuse. Je crois que c'est dans Dawn of the Dead, du zombie dont les organes, en fait, dégoulinent sur la table. Et puis, il en est souvent question. Elle parle du cerveau, par exemple, la femme d'Anne O'Bannon dont vous parliez tout à l'heure. Elle se nourrit pour... Elle évoque le cerveau, elle dit brain. Elle dit qu'être mort fait mal, la douleur d'être mort, et donc elle a besoin de se nourrir du cerveau des autres pour apaiser la douleur. Il n'est pas anodin que ce soit le cerveau, c'est quand même le lieu de la pensée. Non, bien sûr. Oui. Et elle disait aussi, et ça on ne l'a pas commenté, c'est le personnage qui veut lui poser la question, dit « Mais vous savez, les zombies ne sont pas aussi forts que nous. » Et ça aussi, ça varie beaucoup d'un film à l'autre, parce qu'il y a certains zombies qui ont une force supérieure à celle de l'être humain, non ? Je ne suis pas sûre qu'ils soient tous si forts, mais ce qui fait leur force, c'est le nombre, souvent. Voilà. Tout seul, ils peuvent être... Combien de fois, d'ailleurs, on a vu dans des films, un zombie, il se prend une petite pichenette, hop, il est étalé par terre. Mais quand ils sont en masse et qu'ils font nombre, c'est la horde qui est forte, en fait. On va se quitter avec un dernier extrait. Vous en avez un peu parlé, on n'a pas entendu l'extrait. La nuit des morts vivants. Alors, est-ce que c'est le film qu'on cite le plus souvent quand on parle des films de zombies, non ? De Romero, 1968. Oui, c'est censé être une sorte c'est le premier... Le premier très marquant. Je pense quand même, effectivement, qu'il est attaché... Il y a des zombies avant, dans l'histoire du cinéma. On l'a vu avec Al Perin. Mais c'est quand même un des plus importants dans la fabrication du motif tel qu'on le connaît aujourd'hui, en fait. Donc, la version cannibale, effrayante, attachée au cinéma d'horreur et pas simplement au cinéma un peu fantastique, etc. Donc là, la volonté de Romero, c'est de faire peur avec les zombies. Alors, je ne sais pas s'il aurait dit ça. On ne peut pas trop lui poser la question maintenant, puisque lui-même est devenu zombie. De fait, on est quand même assez effrayé, non ? Oui, c'est terrifiant. Après, qu'est-ce qu'il a voulu faire exactement ? Et puis, sans doute faire peur, oui. Mais pas que. Because of the obvious threat to untold numbers of citizens, and because of the crisis which is even now developing, this radio station will remain on the air, day and night. Ces meurtres sont commis dans les villages, les villes, les universités, les hôpitaux, sans aucune logique qui puisse orienter la police. Des témoignages qui nous sont parvenus, il en ressort que la seule chose qui différencie ces assassins, c'est leur démarche. Actuellement, nous ne pouvons vous donner aucun moyen de protection efficace contre ces créatures. La police recherche le meilleur... C'est vous qui avez bloqué les portes ? Ouais, c'est moi, oui. J'ai fait ce que j'ai pu. Il reste encore deux fenêtres en haut. Ben, c'est complètement idiot. C'est encore la cave qui est le plus sûr. De toutes les façons, ils n'entreront jamais ici. Mais ils sont capables de tout. Ils ont renversé notre voiture sur la route. C'est à peine si on a eu le temps de s'échapper. Est-ce que tu crois vraiment qu'ils se laisseront arrêter par ces quelques planches pourries ? Ils n'ont aucune force physique, je vous l'ai déjà dit. J'en ai tué trois que j'ai foutu dehors sans aucune difficulté. Ils ont renversé ma voiture, je te l'ai dit. Et ça aussi, ils l'ont fait sans difficulté. Oui, alors, 5 hommes, il suffirait dans ce cas. Ben, c'est bien pour ça. Seulement, ils ne seront pas 5, ni même 10, mais ils seront 20, 30, peut-être même une centaine à venir. Ils savent que l'on est là. Ils passeront en force pour nous envahir. Il y en a une bonne dizaine qui approchent de la maison. Ils sont déjà plus nombreux que tout à l'heure. Bon, je vais vérifier la porte derrière. Alors là, le climat de peur est créé aussi par le bulletin d'information à la radio qui dit « Mais rien ne nous distingue des zombies, la seule chose qui nous distingue, c'est la démarche. » Au départ, on en est là, et ensuite, ils sont décrits comme des corps qui sont sous une forme de transe. On parlait de l'hypnose tout à l'heure, ici c'est la transe, c'est un peu la même chose, non Barbara Lemaître? Je crois que l'hypnose effectivement fait partie, c'est Raymond Bellour qui a écrit là-dessus, est une sorte de transe, en effet. Après, je pense que c'est plus ou moins, c'est vrai que c'est très frappant dans La Nuit des Morts Vivants, mais je crois aussi, alors je sais plus où j'avais lu ça, que il y a une des séquences à la fin où quand les zombies arrivent enfin à entrer dans la maison, et ils errent en fait, on sait pas, ils savent pas trop quoi faire, ils savent pas trop où aller, ils tournent un peu en rond, et je crois que quelqu'un a écrit à rapprocher en fait cette motricité là de quelque chose de théâtral, d'une théâtralité, mm-hmm. mais type living theater, ou voilà, une théâtralité, forme de théâtralité un peu particulière. Donc c'est un peu multi-interprétable, trans, théâtralité, enfin ça peut être un peu entre les deux. Après sur la, c'est marrant parce que vous disiez en commençant, ils sont comme nous, ils nous ressemblent, etc. Parce que je crois que c'est au début, c'est toujours au début du territoire, donc Land of the Dead. Certains personnages observent avec des jumelles des zombies en train de s'affairer au loin. Vous avez ce zombie pompiste, voilà, en train de vaquer à ses occupations, d'autres zombies, et ils vont approfondir en quelque sorte ces petites remarques en disant ils sont comme nous. Ils sont ce que nous sommes, ce que nous avons été. Enfin, il y a toute une, j'ai plus en tête exactement le, mais voilà, tout un petit dialogue qui rapporte en fait le zombie à nous. Et les deux personnages sont pas tout à fait d'accord puisque l'un des deux donc dit ils sont comme nous et l'autre dit non. Enfin, on est différents. Ils font comme nous, mais ils ne sont pas comme nous. Et c'est à l'occasion de ce film, La Nuit des Morts Vivants, que vous comparez et commentez les représentations des zombies avec les vanités, c'est-à-dire ces tableaux classiques où l'on voit souvent des natures mortes et un crâne qui trône en bonne place et qui nous rappelle notre condition d'être mortel. Et vous faites une analyse assez pertinente d'une scène de ce film que vous comparez à une vanité en réalité. Oui, alors oui, ça c'est le début justement de ce que j'aime beaucoup, parce que ça va un petit peu au-delà de l'analogie. Bien sûr, il y a des éléments squelettiques. Là, en l'occurrence, il y a une tête morte avec les vers qui sortent. Enfin, c'est très clair. Il y a des automates musiciens, donc l'instrument de musique aussi. Enfin, il y a presque tous les motifs des vanités qui sont là. Mais ce qui me plaît, ce qui m'a beaucoup, là où j'ai trouvé vraiment le travail du film extrêmement subtil, c'est que c'est dans son usage du bord inférieur du cadre. Parce que dans les tableaux de vanité, c'est Karine Lanini qui écrit ça dans un ouvrage très beau qu'elle a consacré à la vanité à l'âge classique. Le bord inférieur du cadre est le lieu de la chute, des verres renversés, peut-être le citron avec sa petite spirale. Enfin voilà, des choses tombent ou dégoulinent ou sont en train de tomber. Et dans le film, il y a le bord inférieur du cadre qui correspond en fait au bord inférieur d'un camion qui est entrouvert, et on fait dégringoler, alors là c'est des caisses ou des choses, c'est très anodin, hein. On pourrait ne pas s'arrêter là-dessus, mais à partir du moment où on commence à relever un peu les motifs des vanités et qu'on se rend compte qu'en plus il y a ça, cette manière de faire usage en fait du bord inférieur du cadre, on se dit que là, voilà, intention ou non, pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, il y a quelque chose qui atteste en fait que le film est a une sorte de grande sagesse à l'endroit des images qui l'ont précédé, et qu'il est capable, avec beaucoup de presque d'humilité, mais en même temps d'intelligence, voilà, de redistribuer et des logiques formelles et des motifs, voilà, dans une fiction qui s'occupe par ailleurs d'autres choses. Oui, c'est ça, mais c'est ça qui est très beau, c'est de voir que même quand on parle de zombies, qui est un personnage qui pourrait être facilement méprisé comme étant un personnage qui vise juste à faire peur, en fait, les réflexions qui sont proposées dépassent largement la réalité du zombie. Non, bien sûr. C'est un motif, en fait, il est plein d'intelligence aussi. Voilà, on peut ne pas s'arrêter à ça, il faut souvent l'analyser ou gratter un peu pour la, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'intelligence dans ce motif. De même qu'il y a beaucoup d'intelligence dans le clip que Michael Jackson propose de sa chanson Thriller, où apparaissent des zombies. Vous connaissez ce clip? Oui, bien sûr. Bah oui. Vous en parlez dans le livre? Non. Je crois pas. Non, j'ai parlé d'un autre clip. C'était pas fait exprès, c'est juste parce que vous savez, des fois on parle pas des choses parce qu'on n'a pas beaucoup d'idées ou grand-chose à en dire. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire de Thriller. Ça tombe bien, il suffit juste de l'écouter. Voilà, on y va. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Et il faut imaginer Michael Jackson qui danse, qui fait une chorégraphie avec ses amis les zombies. Merci beaucoup Barbara Lemaître. Merci à vous. Merci d'être venue nous parler de votre livre aujourd'hui, Zombies, une fable anthropologique qu'on trouve aux presses universitaires de Paris-Ouest. Oui, alors qui s'appelle maintenant les presses universitaires de Nanterre, ça change tout le temps. Bah vous faites bien de rectifier. Voilà. Merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est grand temps de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous revenez sur les 40 ans de la révolution iranienne. Et oui Adèle, il y a 40 ans, justement le 11 février 1979, les Iraniens se soulevaient avec l'ayatollah Khomeini contre le régime du Shah pour donner naissance à la République islamique. 40 ans plus tard, l'Iran n'est plus à la fête. Dès la fin de l'année 1979 d'ailleurs, avec la crise des otages américains jusqu'à la crise économique actuelle, en passant par la répression des intellectuels iraniens. Et c'est bien de cela que j'aimerais parler aujourd'hui, de la séduction qu'a exercé Khomeini sur les intellectuels, dont quelques penseurs français, dont Jean-Paul Sartre et Michel Foucault. Tous les deux ont en effet succombé au charme de Khomeini, mais comment expliquer qu'il n'ait pas vu les dérives possibles de ce soulèvement ? Comment comprendre qu'il se soit trompé ? En Iran, le Shah, cette fois, est, semble-t-il, bien sur le départ. Un conseil de régence a été mis sur pied, dirigé par le Premier ministre, qui disait ce matin que dans l'état actuel des choses, il ne savait pas si le roi, après quelques vacances, pourrait rentrer en Iran. De son côté, l'ayatollah Khomeini, qui veut, lui, la chute du Shah et son abdication, a annoncé la création d'un conseil de révolution islamique. Le Shah va partir, mais vous le voyez, rien n'est réglé. Voilà toujours deux forces politiques en présence. D'ailleurs, et c'est la première question que je pose à notre envoyé spécial, Yves Loiseau, on a nettement l'impression que l'ayatollah Khomeini se pose davantage maintenant en homme politique qu'en leader religieux. Oui, effectivement, je guiderai la nation, a même dit Khomeini. Effectivement, donc, il se pose en successeur comme si le roi était déjà parti. Le soulèvement iranien a suscité l'intérêt des intellectuels avant et pendant son accomplissement, de l'espoir mis dans une révolution jusqu'à l'événement même de la révolution. Avant février 1979, c'est l'espoir qui a ainsi dominé les intellectuels de gauche. Sartre en premier lieu. Il a vu dans Khomeini et le renversement du Shah la possibilité de voir émerger un régime indépendant, anticolonialiste et anti-impérialiste. Et c'est dans ce contexte qu'il a fait partie de ces intellectuels venus le voir à Neuf-le-Château, cette communauté des Yvelines dans laquelle le révolutionnaire s'était réfugié, contraint à quitter l'Irak après 14 ans d'exil. Et c'est ainsi, aussi dans ce contexte, qu'il a présidé le comité pour la défense des prisonniers politiques iraniens. Si l'on peut rendre compte des raisons de son engagement en faveur de Khomeini, qu'il voit alors comme le symbole du progrès, dans la continuité des mouvements révolutionnaires des années 50 d'Algérie et du Cambodge, peut-on pour autant les comprendre? 40 ans après, il est assez facile de juger l'erreur d'un intellectuel qui a pris parti. Mais la question se pose quand même, à quoi tient cette erreur de jugement? Comment comprendre qu'un intellectuel ait été influencé, fasciné, voire aveuglé, et qu'il ait fait passer ses convictions avant une forme de prudence toute philosophique? Faut-il alors le condamner quand il se trompe? Faut-il parler d'erreur? Et si au lieu de se demander si les intellectuels peuvent se tromper, errer, s'égarer, s'illusionner, on se demandait plutôt s'ils ont le droit eux aussi à l'erreur. Il aura donc suffi de 2 jours seulement pour que l'insurrection armée balaie définitivement l'ancien régime. Ce matin, les derniers bastions sont tombés aux mains des révolutionnaires, notamment le centre de torture de la Savak et surtout la garde impériale. L'équipe d'Antenne 2 s'est rendue ce matin à la caserne de la garde impériale où on avait déjà hissé le drapeau blanc et le portrait de Khomeini. Autre intellectuel, Michel Foucault. Lui aussi a rendu visite à Khomeini dans les Yvelines. Il s'est même rendu 2 fois en Iran, en septembre et en novembre 1978, et en a correspondu dans le quotidien italien, le Corriere della Sera. Il ne parle alors pas d'espoir, mais de rêve des Iraniens. Pourtant, ce qui va l'intéresser, lui, c'est l'événement même de la révolution, ce qui aura lieu le 11 février. Après l'espoir et l'attente, vient en effet l'irruption, le passage à l'acte, la révolution en elle-même, forte, brutale et renversante. Selon Olivier Roy, spécialiste du Moyen-Orient et professeur à l'Institut universitaire européen de Florence, c'est bien cette dimension qui interpelle Michel Foucault, plus que l'islam ou l'Iran. C'est, je cite Foucault, « la force, celle qui peut faire soulever un peuple, non seulement contre le souverain et sa police, mais contre tout un régime, tout un mode de vie, tout un monde. » Et on pourrait citer un autre texte écrit au lendemain de l'événement, Téhéran, le 11 février 1979. La révolution a eu lieu en Iran. Cette phrase, j'ai l'impression de la lire dans les journaux de demain et dans les futurs livres d'histoire. L'histoire vient de poser au bas de la page le sceau rouge qui authentifie la révolution. Alors si l'on peut parler de fascination exercée par Khomeini et d'une prise de parti idéologique incontestable, il faut aussi reconnaître dans les engagements de ces intellectuels l'euphorie de trouver dans le réel un événement qui prenne place dans la théorie et même la place de la théorie. C'est d'ailleurs ce que l'on attend aussi d'eux d'une certaine manière, qu'ils nous éclairent, qu'ils s'engagent, qu'ils prennent des risques sur ce qui se passe au jour le jour. S'il s'agit donc de distinguer la prise de risque, louable pour des universitaires parfois trop sages, de l'aveuglement des passions politiques, il s'agit aussi d'accepter que même les philosophes soient victimes d'illusions. La question s'adresse alors plutôt à nous. Qu'attendre des intellectuels? Faut-il les croire sans prudence, en tenant leurs propos pour vrais, ou faut-il les croire en sachant justement qu'il ne s'agit que de croyances? La question, en effet, mérite d'être posée. Merci beaucoup Géraldine. Vous nous conseillez de lire ou regarder quelque chose? Il y a les 10 écrits de Michel Foucault, dans lesquels on peut lire les textes quand il est parti en Iran et ce qu'il en raconte. On peut se faire une idée par soi-même. Et on peut bien sûr écouter votre chronique en se rendant sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Un grand merci à Colomba Grossi qui a préparé cette émission avec Mathieu Tarpin, Anaïs Isbert, Isis Chourta, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Anthony Thomasson qui est à la prise de son aujourd'hui, Yvan Moran à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre philosophie du corps. Demain, nous serons en compagnie d'Alexis Blanchet pour vous parler de jeux vidéo. En effet, le gore dans le jeu vidéo n'est-il pas une manière de jouir du pire? La question sera posée demain à 10h. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins de la Philosophie vous donne également rendez-vous sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.